Bonjour francophones, tout le monde, welcome to French Pod America. Bonjour à tous, je m'appelle Amaury. Intermediate lesson we got here. Donc on va retrouver un couple okay. qui est dans une situation. What kind of situation? C'est une étape importante de leur vie. Okay, an important moment in their life. Oui. They're about to go ask for some help to make their dreams come true. Exactement. So it's an important interview, but you know, the woman, she has kind of a little problem. Elle a le trac. Voilà, qui est ici notre mot-clé, avoir le trac, qui est en fait normal généralement quand on a un moment aussi important. It's kind of like to get stage fright or to get freaked out when you're in a stressful situation. Exactement. Well, let's see what happens to her when she, you know, gets le trac. Comment elle va réagir? Here's the dialogue first. Donc c'est parti. Chérie, c'est vraiment important pour nous. C'est la troisième banque qu'on fait. Je sais, je vais essayer de ne pas craquer, mais je ne peux pas m'en empêcher. Le tout, c'est de ne pas avoir le trac. À chaque fois que tu es nerveuse, tu as le fou rire. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous venez bien pour votre demande de prêt? Oui. Nous désirons acheter une maison. Est-ce que c'est la première fois que vous faites une demande de prêt? Nous sommes déjà renseignés, mais on ne s'est jamais décidé. Je vois. Vous vous moquez de moi parce que je bégaye? Non, non, bien sûr que non, c'est ma femme, elle a un problème. Eh bien maintenant, elle en a deux. Donc nous voici de retour. La pauvre. Malheureusement, ce n'est pas la bonne, encore une fois. Well, let's start from the beginning. So, they're obviously à la banque. Right. And they're about to go talk to the guy. And the husband gives her a little pep talk. Il lui rappelle que c'est vraiment important pour eux. Exactly. This isn't a joke. This is a serious moment, chérie. And this isn't the first time, right? Et donc, c'est d'autant plus important. Puisqu'il dit, c'est la troisième banque qu'on fait. En fait... Here the faire means... Visiter. Donc on va peut-être donner un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Ok. Vous êtes avec des amis, c'est vendredi soir. Ok. You're going out with your pals. Ouais. Et à un moment, vous leur dites, bon bah c'est le troisième bar qu'on fait. Ok, so that would imply you're bar hopping. C'est le troisième bar qu'on fait. Ouais. Or for example, if you're sightseeing, c'est le deuxième monument qu'on fait. So we better hurry up. Because we have to see the whole city for the end of the day. Si c'est à Paris, il y en a beaucoup à faire. So she gives us a clue why c'est la troisième banque qu'ils font. What is it? Oui, parce qu'à chaque fois, il lui arrive la même chose. Elle craque. Elle craque, exactement. Okay, so she says, this time, you know, cette fois... Je vais essayer de ne pas craquer. So, craquer is to lose it, really. Ben oui, perdre contrôle. But, you know, you don't do these things on purpose. Elle ne peut pas s'en empêcher. Je peux pas m'en empêcher. Elle ne peut pas s'empêcher de craquer. Very common expression, right? Can't help it. It's beyond my control. So he gives her a little pep talk. And he's like, okay, look, le tout, the most important thing, le tout... C'est de ne pas avoir le trac. Which is like not the best thing probably when someone... It's not gonna help someone. Si j'ai le trac, to tell me to not avoir le trac, it's not gonna work. Ouais, c'est peut-être pas un très bon conseil en fait. Right, yeah, because si j'ai le trac, c'est parce que... Je ne peux pas m'en empêcher. Ouais. And here he tells us what happens. En plus. Quand elle a le trac, what happens? Elle a le fou rire. Le fou rire, which is to have hysterical laughter. The crazy laugh. Ouais. So, quand elle est nerveuse, elle a le fou rire. Ouais. So, they meet the guy. Unfortunately for her, somebody who gets le fou rire quand elle a le trac. Ouais. She got the luck of having a bank person that maybe has a speech impediment and has difficulty talking. Ouais, ce qui ne va pas faciliter la chose ici. Yeah, it's not gonna help her at all. Non, ça va être dur pour elle de garder son sang-froid. And then the bank man tells us why they're there. Donc il leur demande s'ils viennent bien pour leur demande de prêt. So you make a demande de prêt when you go to the bank and ask to give you some cash to buy your house. Voilà, pour une maison, mais oui, ça pourrait être pour autre chose aussi, pour une voiture. Okay, but they say it's for une maison because ils désirent acheter une maison. Ouais. So then he asks them a question that I'm not sure they really want to answer. He was probably thinking, oh, don't ask us this. Donc il leur demande, est-ce que c'est la première fois que vous faites une demande de prêt? So he answers a diplomatic answer, but let's look at it because it's a very interesting sentence where we can learn lots of things. So what does he say? Donc il répond, nous nous sommes déjà renseignés, mais... So, what if they're doing it now? Nous nous renseignons. What if they did it yesterday? Nous nous sommes renseignés. What if they already did it? Nous nous sommes déjà renseignés. Okay, mais... On ne sait jamais... Décider. And now we have another reflexive verb. Qui est se décider? Se décider. So what's the difference between se décider and décider? Donc décider serait utilisé pour savoir si décider de faire quelque chose ou pas. So if I said je n'ai pas décidé, it means I don't even know if I'm going to do it at all. Ouais. But they have decided. Ils ont décidé to, you know, aller à la banque and faire une demande de prêt pour acheter une maison. Ouais. That's sure, they're going to do it. Ils ont décidé. Ouais. But ils ne se sont pas encore décidé which bank. Dans quelle banque le faire. So se décider is more like to choose between things. Ouais. Décider is to just make the decision to do something or not. Exactement. Come to a decision between this and that. So here they use the word on. Pour dire nous. It's weird. They say nous and on in the same sentence. The two ways in French to say oui. Oui, mais qui ont exactement le même sens. Which really just shows how similar these two words can be. Oui. Could you have changed any of them? For example, said, on s'est déjà renseigné, mais nous ne nous sommes jamais décidés. Tout à fait. You could have moved it around. Oui. Could you use on both times, nous both times? So you could vary these in any way. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire comme ça, c'est correct également. Now, that was a long sentence. Let's practice it. So, Amory, you're going on vacation, right? Have you decided where you're going and all that? Je me suis déjà renseigné. Okay. Mais il y a tellement d'options différentes de voyage. There sure is. It's so hard to make decisions about traveling. Which site do you use? Which travel agent? Donc, jusque maintenant, je ne me suis jamais décidé. Okay. Well, good luck with that. Merci. But hurry up. Les vacances approchent, donc. Okay. Now, there's not anything very funny about that sentence. Elle ne peut pas se retenir. And so he's getting offended because he doesn't see why she would possibly be laughing. Right. Well, because there's nothing funny about les demandes de prêt. Kind of a boring topic. Et évidemment, il ne connaît pas leur histoire. So he's like, hey, you making fun of me? Vous moquez de moi? Another reflexive verb. Vous moquez de moi. Tu te moques de moi, Amory? Je ne me moque jamais de toi, Erika. Okay. Moi non plus. Je ne me moque jamais de toi. But here, he wants to know, hey, vous moquez de moi parce que why? Parce que je bégaye. So bégayer is the French word to stutter. Ouais. Bégayer. And they're like, oh my gosh, non, bien sûr que non. Évidemment, c'est pas la raison. C'est sa femme, hein? Et là, il lui dit, elle a un problème. Yeah, obviously. And he says, oh yeah, well, maintenant. Et là, le banquier rajoute, elle en a deux. Right. So let's look at that. So how many problems did she have before? Avant, elle en avait un. Maintenant, elle en a deux. Okay, let's listen to the dialogue again. C'est parti, on l'écoute ensemble. Chérie, c'est vraiment important pour nous. C'est la troisième banque qu'on fait. Je sais, je vais essayer de ne pas craquer, mais je ne peux pas m'en empêcher. Le tout, c'est de ne pas avoir le trac. À chaque fois que tu es nerveuse, tu as le fou rire. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous venez bien pour votre demande de prêt? Oui. Nous désirons acheter une maison. Est-ce que c'est la première fois que vous faites une demande de prêt? Nous nous sommes déjà renseignés, mais on ne s'est jamais décidé. Je vois. Vous moquez de moi parce que je bégaye? Non, bien sûr que non, c'est ma femme, elle a un problème. Eh bien maintenant, elle en a deux. So, Amory, do you suffer from le trac? Ça m'est déjà arrivé quand j'étais... tu sais que j'ai fait un peu de théâtre. Really? Ouais. You used to be an actor? Non. Théâtre amateur, quoi. Donc, OK. Like in school or something? Voilà. And tu avais le trac? Et oui, parce que je pouvais devenir très nerveux. Right. Et donc, une forme de trac qui m'est arrivée, c'est d'avoir le fou rire. You would honestly get le fou rire? Ben oui, parce que je n'arrivais pas à me contrôler. Quand tu avais le trac? Ouais. Tu ne pouvais pas t'en empêcher? Tout à fait, Rika. Je ne pouvais pas m'en empêcher. So, tu avais le fou rire. On stage, in front of everybody, you started like laughing hysterically. Tu as craqué. Non, j'ai eu de la chance, c'est arrivé avant. Ok, before you were going on stage. Ouais. So I guess your career as an actor didn't last very long. Ça s'est malheureusement terminé, oui. Amri, le tout, c'est de ne pas avoir le trac. Tout à fait, donc, mais c'est pour ça qu'il y a moyen de maîtriser son trac. Right. Ok, well, if you have any questions, come to frenchpod.com. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine leçon. Ok, merci, au revoir. Salut.